13h. Radio Campus. Campus. La nuit. Dimanche, 1h, 2h, du blues. Attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois de 12h. D'angle d'attaque, l'émission. On recommence à coup. D'accord. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus et vous faites bien, puisque c'est l'heure d'Angle d'attaque, l'émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, cette émission se déroule de 13h à 14h. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avec aux manettes Jean-Jacques, maître de la technique et du temps, et Ludovic, Quentin et moi-même comme animateurs de l'émission. Pas d'invité aujourd'hui, c'est un thème et un débat présenté par nous-mêmes, les animateurs de l'émission. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un étrange objet politique, le libertarianisme. Vous devinez que cela a quelque chose à voir avec le libéralisme, alors libéralisme extrême. Sans doute, mais pas seulement, avec des particularités, des courants divergents, voire contradictoires, ce qui le rend difficile à classer. Aussi, avant d'aborder le thème, Ludovic va nous faire un petit rappel sur le libéralisme et ses différentes formes. Ludovic, nous t'écoutons. Oui, merci René. Oui, effectivement, l'idée de cette émission, c'est un peu de battre en brèche certaines représentations un peu caricatural sur le libéralisme. Alors, le libéralisme est un mot donc hautement polysémique et qui désigne à la fois une certaine attitude devant les problèmes politiques visant à limiter le pouvoir de l'État pour protéger la liberté. Et c'est à la fois une doctrine économique donc favorable au marché, mais c'est également une philosophie politique qui voit dans les droits des individus le fondement du lien politique ou du contrat social. Le libéralisme peut du reste donc s'accommoder de choix politiques très divers, ce qui explique sans doute en partie qu'en France, les libéraux passent en général pour des hommes de droite. Alors qu'aux États-Unis, donc vous savez que libéral est presque synonyme d'homme de gauche, par opposition aux conservateurs de droite, républicains. Dans tous les cas, il semble que le terme soit plutôt normatif, quand il n'est pas pris comme une insulte, comme c'est assez souvent le cas en France, ce qui conduit à se demander s'il est vraiment pertinent dans le contexte d'une enquête sur les grands courants de sciences humaines de notre temps. Je pense que oui. Et voilà, donc l'idée, effectivement, c'est de revenir un peu sur le libéralisme classique et de montrer qu'il y a des différences entre le libéralisme classique et le libertarianisme. Donc la question fondamentale que se posent les libéraux classiques sont des questions éternelles qui a trait notamment à savoir quelle étendue on doit donner à la liberté dans les sociétés. Donc ils se sont interrogés pour savoir si telle ou telle liberté est bonne ou mauvaise, ou si elle doit être accordée ou non à tel ou tel groupe. Donc on a eu, ça avait commencé déjà par le débat espagnol au XVe siècle, pour savoir si les Indiens d'Amérique devaient ou non jouir du droit de propriété, ou les débats anglais et français au XIIe siècle, pour savoir si la liberté d'argumenter en faveur de l'athéisme devait ou non faire partie de la liberté d'expression. Si tu permets... C'est pas mal aussi de resituer le contexte, parce que pour nous, c'est une notion qui est empreinte dans un florilège d'idées et de situations politiques. Mais du coup, si on se recale au XVe siècle ou au XVIIe siècle, on est dans un contexte féodal. On a un contexte de pouvoir absolu du roi, et c'est vrai que c'est issu des Lumières, et donc du coup, c'est des questions qui n'étaient pas du tout communes à l'époque, et très novatrices en fait. Oui, effectivement, il faut voir que le libéralisme apparaît effectivement comme une réponse d'abord à l'absolutisme et au despotisme, Donc il tire son originalité de la conviction que la liberté individuelle n'est pas anarchique, mais que c'est une forme sociale structurante et que la domination et la soumission à la volonté d'autrui sont les véritables sources de division, de violence et de désordre, si on reprend les termes de John Locke, un des libéraux, un des premiers libéraux. Donc l'idée, c'est de dire que chacun est libre de juger par lui-même de ses intérêts et de ses besoins, et que le libéralisme entend conjurer le spectre de la guerre de tous contre tous, en donnant une place à l'autonomie et au pouvoir des individus face justement à l'absolutisme contre lequel il est apparu. Alors, il y a une autre question qui apparaît structurante aussi dans les libéraux classiques, c'est le rôle de l'État. Donc c'est une question qui traverse beaucoup le libéralisme, c'est quel est le rôle qui convient à l'État. Alors souvent on a la représentation comme quoi le libéralisme désigne souvent une doctrine qui voudrait que l'État soit réduit au minimum, et que c'est une doctrine qui prône que l'État reste en dehors de l'économie. Or, et c'est un peu l'intérêt de cette émission, il me semble que c'est une confusion entre les acceptations populaires du mot d'un côté et le projet. Donc si on prend le projet, si on lit vraiment les auteurs classiques, notamment Adam Smith par exemple, on voit bien que le projet de société de libéraux classiques comme Adam Smith ou Turgot montre que l'État a son rôle à jouer, qu'il y a véritablement une pensée sur l'intervention de l'État. Par exemple, Adam Smith juge que, outre la garantie de sécurité des citoyens et l'administration de la justice, Smith pense que il faut entretenir, par exemple, certains ouvrages publics et certaines institutions bénéfiques pour la collectivité et dont la rentabilité n'est pas assez immédiate pour qu'ils soient pris en charge par le secteur privé. Si Adam Smith distingue parmi ceux-ci deux grandes catégories, l'instruction publique et les infrastructures propres à faciliter le commerce, routes, ponts, phares, ports, etc., l'idée, effectivement, c'est de pouvoir, en quelque sorte, l'idée, en fait, c'est de penser qu'il y a le marché ne peut pas résoudre à lui seul. Et dans la richesse des nations, donc publié en 1776, donc le fameux livre d'Adam Smith, l'idée c'est de dire que en fait, il s'agit pour Adam Smith de faire assurer par l'État ce qui est générateur d'externalités positives, pardon, et que des particuliers n'ont pas les moyens de financer ou pour lesquels ils souhaitent refiler le fardeau à d'autres, puisque c'est la collectivité tout entière qui en bénéficie. Et donc, dans La richesse des nations, il cite, je recite ses propos, il dit ceci, il propose, je cite, d'élever et d'entretenir ces ouvrages et ces établissements publics dont une grande société retire d'immenses avantages, mais qui sont néanmoins de nature à ne pas pouvoir être entrepris ou entretenus par un ou par quelques particuliers. Il cite donc les routes, les canaux, les ponts, les ports, etc., et les institutions pour l'instruction du peuple de tout âge. Adam Smith, par exemple, est pour une instruction publique, contrairement, on le verra, aux libertariens. Donc de même qu'il n'était pas contre toute intervention en matière économique, il n'était donc pas favorable à n'importe quelle liberté. Ainsi, les libéraux classiques n'auraient pas accordé aux parents la liberté d'éduquer ou non leur enfant. Les libéraux classiques auraient tous critiqué la liberté, par exemple, des entrepreneurs de s'entendre sur les prix ou de partager les marchés. D'une façon générale, on peut dire que les libéraux classiques, dont Adam Smith fait partie, pensent la liberté non pas comme une fin en soi, mais fondamentalement comme un moyen. Donc de favoriser, en l'occurrence, pour Adam Smith, notamment, le plus grand bonheur de la communauté. Donc ce qui l'amène, effectivement, à s'accommoder d'une foule d'entorses à la liberté naturelle, notamment dans la limitation de liberté, par exemple, d'émission de billets de banque, dans les restrictions de certaines importations, etc. Chose auxquelles on n'associe pas trop Adam Smith. Donc je pense que c'est intéressant de le montrer, et de montrer justement la différence, et on va l'aborder avec René tout à l'heure, sur le libertarianisme. On voit bien qu'il y a clairement des différences entre Adam Smith et les penseurs qu'on va évoquer maintenant. Ouais, je pense qu'un exemple historique qui est intéressant de rappeler, c'est que on a par exemple, C'est entre autres les libéraux qui ont participé à la fin du XVIIIe siècle à réduire le pouvoir de la caste des barons voleurs aux États-Unis, c'est-à-dire un espèce de pouvoir monopolistique géant qu'avaient les compagnies de chemin de fer et certaines grandes sociétés qui possédaient tout, c'est-à-dire qui possédaient la maison dans laquelle vivait l'ouvrier, ils possédaient les shops à laquelle l'ouvrier allait... aller acheter sa nourriture, et donc ils décidaient de tout. Et ça, ça a été détruit par les lois antitrust, qui datent de cette époque-là, mais qui sont profondément libérales. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une confusion parfois de dire que c'est le libéralisme qui induit, par exemple, des très grandes multinationales omnipotentes, mais en fait non, au contraire, historiquement, il a été utilisé pour combattre des états de monopole et des entreprises toutes puissantes. Peut-être si on pouvait aborder la question, donc après, de ces variantes du libéralisme que sont le néolibéralisme et le lordolibéralisme, brièvement. Si. Bah, le néolibéralisme, en fait, apparaît beaucoup plus tard que Adam Smith, donc plutôt au XXe siècle, avec notamment un auteur comme Hayek qui pense que l'État a un rôle à jouer, mais l'État est avant tout là pour en fait veiller à la... À ce que la concurrence, qui est une donnée cardinale, marché, voilà, le marché, quoi. Que la concurrence soit respectée, et donc l'État est là pour veiller à la bonne marche des affaires. Donc effectivement, donc du coup, c'est pas le néolibéralisme n'est pas un ultralibéralisme, et c'est en cela qu'il est différent du libertarianisme qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est qu'il pense que l'État a un rôle à jouer, mais un rôle de gendarme en quelque sorte de la concurrence. L'idée, c'est notamment de faire en sorte que les droits de propriété, la notion de propriété que j'ai pas abordée mais qui est centrale aussi dans la pensée libérale évidemment, soient respectés. Et l'ordolibéralisme, qui est la version un peu allemande du néolibéralisme, est tout à fait est l'illustration parfaite de ce courant-là, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un courant qui est né en réponse au nazisme après la Seconde Guerre mondiale et qui pense que le nazisme était une forme de totalitarisme et d'une volonté pour le politique de régimenter les individus. Et donc, du coup, les ordolibéraux ont pris le contre-pied de ça en disant l'État ne doit plus intervenir dans les affaires de l'État, sauf pour jouer le rôle de garant de la concurrence. La concurrence étant philosophiquement le moyen d'avoir une forme de paix. Ils reprennent les idées de Montesquieu, c'est de dire que finalement c'est par le marché, par le commerce, qu'on va réduire la guerre, c'est par l'intérêt qu'on va réduire les passions guerrières, etc., dont le nazisme a été l'aboutissement, etc. Et donc voilà, mais encore une fois, je pense que les néolibéraux pensent quand même l'idée, pour reprendre ce que je disais sur Adam Smith, pensent quand même que la liberté est une fin en soi, et c'est en cela que c'est différent de quelqu'un comme Adam Smith, qu'on a tendance un peu à caricaturer, mais qui, encore une fois, Adam Smith était plus un philosophe, je pense. Et Adam Smith, il faut le voir comme un auteur qui pense avant tout la question du bonheur, en fait. C'est la question, notamment dans son deuxième ouvrage, Théorie des sentiments moraux. Or, il me semble que le bonheur collectif, c'est pas la question des néolibéraux et encore moins la question des libertariens. Je pense qu'encore une fois, tu vas l'aborder tout à l'heure, René, pour les libertariens, la liberté est sacrée. Ce qui pose d'autres problèmes qu'on va aborder. Voilà, donc je te laisse peut-être la parole, René, pour peut-être nous exposer les libertarianismes dans ces différentes... différentes variantes. D'accord. Alors, pour commencer, comment le définir, ce libertarianisme ? On pourrait le voir comme un libéralisme extrême. En gros, c'est une philosophie politique développée principalement aux États-Unis et dans certains pays anglo-saxons, pour lesquels une société juste est une société dont les institutions respectent et protègent la liberté, comme tu l'as dit, de chaque individu et ses droits de propriété. Bon, elle est bien sûr issue du libéralisme. Elle prône au sein d'un système de propriété et de marché universel la liberté individuelle en tant que droit naturel. La liberté est conçue par le libertarianisme comme une valeur fondamentale des rapports sociaux, des échanges économiques et du système politique. Mais il existe de nombreux courants à l'intérieur de ce mouvement, assez foisonnant et buissonnant, il faut le dire, hétéroclite, et dont la cohérence est peut-être encore à trouver. Il faut voir aussi qu'il y a des emprunts à droite, si l'on peut dire, et à gauche, ce qui fait que les notions droite et gauche sont un peu en arrière-plan. voilà. Dans sa forme actuelle, notamment aux États-Unis, on peut le voir comme la rencontre de l'anticommunisme viscéral des républicains, de la contre-nature libertaire et des économistes de l'école de Chicago. Alors un historique, rapidement. Alors, on considère généralement que les mouvements libertariens sont issus typiquement des États-Unis. Ils auraient toutefois leurs origines en Europe. Selon Bertrand Leménissier, la philosophie politique libertarienne naît avec les levelers ou niveleurs au milieu du XVIIe siècle pendant la Révolution anglaise. Des hommes politiques et économistes français et belges comme Frédéric Bastiat et Gustave Molinari sont considérés comme des précurseurs de certains courants libertariens. Voilà. Dans le domaine politique, on peut dire que le libertarianisme s'inspire notamment d'auteurs du 19e siècle comme William von Humboldt, Herbert Spencer, qui était notamment partisan du néo-darwinisme, du darwinisme social plutôt, Lysanders, Pooner et Gustave de Molinari que j'ai cité. Dans le domaine économique, le libertarianisme s'inspire d'idées exprimées au XVIIIe siècle par les physiocrates, notamment Vincent de Gournay, par Turgot, par Condillac et par Jean-Baptiste C. Il s'inspire également d'idées développées par l'école autrichienne d'économie, dont les auteurs principaux sont Karl Menger, von Mises, Friedrich Hayek, dont on va certainement reparler, et Murray Roberts. Donc les grands principes, petit 1, la propriété de soi-même, laquelle stipule que l'individu est seul maître de lui-même et peut disposer comme bon lui semble de lui-même, de son corps, sans autorité extérieure, ainsi que le respect absolu de la liberté d'expression et des choix de vie. Deuxièmement, peut-être René, si on peut donner quelques exemples, de à quel point on est dans l'extrême, c'est-à-dire que d'un point de vue libertarien, par exemple, le droit au suicide existe, c'est-à-dire qu'en fait on est tellement maître de nous-mêmes que on peut vendre des parties de son corps, on peut se suicider. Oui. Il y a aussi une défense du droit à l'avortement d'un point de vue libertarien qui s'appuie sur le fait que la femme est maître de son corps. D'ailleurs défendu par Ayn Rand. Voilà, on aura peut-être l'occasion de reparler. Et c'est pour donner quelques exemples. On est vraiment en fait en dehors de toute vision morale de ce que la personne fait de son corps et de ce qu'elle fait en général. Tant qu'elle est libre de le faire, elle peut le faire. Puisque tu parles de morale, je rappellerai aussi, il y a même pour certains libertariens qui considèrent qu'au nom de ta liberté personnel, tu as le droit de ne pas t'occuper de ton enfant. Oui. Bon. Ça va très loin. Il y a la question des drogues, je pense que. C'est notamment Murray Roberts dont j'ai cité le nom. Si vous droguez, oui, même des drogues dures, c'est votre responsabilité. Voilà, c'est votre choix personnel. Vous êtes parfaitement libre de le faire. Et en même temps, ça permet aussi de faire des concessions au marché. Ça permet de développer aussi de nouveaux marchés. Et c'est là où on peut recroiser aussi l'idée que c'est difficile d'appliquer un filtre droite-gauche sur des concepts comme ça, parce que évidemment il va y avoir une critique de droite morale ou conservatrice de ce genre de liberté absolue, mais aussi une critique de gauche matérialiste de dire est-ce qu'il n'y a pas par exemple dans une personne qui a une attitude suicidaire, on y voit une détresse et on dit il faut aider cette personne et on ne peut pas juste de remise en cause des valeurs de solidarité, d'aide assez semblable, bien sûr, tout à fait. C'est un peu l'égoïsme érigé en valeur cardinale. Alors, le deuxième principe, c'est la juste circulation, laquelle détermine les circonstances du libre marché capitaliste illimité, en exigeant par exemple que le transfert de la propriété d'un bien soit volontaire et non violent pour qu'il soit juste. Encore, oui. Troisième principe, l'appropriation originelle des ressources, laquelle définit les conditions dans lesquelles la propriété d'un bien est pour la première fois attribuée à une personne en partant de facteurs tels que le foncier et le contrat pleinement volontaire entre deux parties. Ce qui signifie qu'en fait, si je suis le premier occupant d'un territoire, j'en suis le maître. Tout à fait. Alors, pareil, pour filer un peu sur ce sujet-là, ça donne des débats alors qui sont parfois assez intéressants, parce que, par exemple, dans les différents courants libertariens, il y en a un qui dit qu'il faut revenir sur la colonisation, il faut revenir sur l'occupation des États-Unis, par exemple, en disant, mais en fait, il faut qu'on remonte le fil de ce qui a été volé, entre guillemets, puisque c'est s'approprier une terre alors que quelqu'un vit dessus, c'est du vol. Et du coup, c'était assez intéressant, ça a été un peu développé par Nozick, cette idée de dire, oui. Si on applique ce concept jusqu'au bout, il faut créer un énorme barnum international où on va se reposer la question de à qui appartenait quoi avant que quelqu'un vienne le prendre et l'envahir. Oui, parce que souvent, ce prétexte du premier occupant a servi les Européens, considérant que ce qu'on appelait les « natives », entre guillemets, n'étaient pas vraiment, faisaient pas vraiment partie de l'humanité. Hein. Bon, les Espagnols, les Anglais aussi, d'ailleurs, ont annexé des territoires immenses. En fait, c'est une des notions de racisme, c'est-à-dire qu'en partie, les sociétés européennes se sont fondées de dire « on est supérieur aux autres », donc même si eux étaient là avant nous, on peut s'approprier ce qu'ils avaient. Oui. Et donc on voit par exemple que le libertarianisme permet de contrer ces réflexions en disant non, parce que originellement, c'est le premier arrivé, entre guillemets, premier arrivé, premier servi. Et justement, j'arrive au quatrième principe. Tu l'as évoqué justement en parlant des libertariens qui considèrent qu'on devrait restituer peut-être les territoires. C'est l'obligation de réparation en cas de violation du droit de propriété. Restitution d'un bien ou des dédommagements, c'est selon. Donc voilà. Alors il y a un autre aspect chez les libertariens, parce qu'il faut peut-être dire simplement aussi que bon, les libertariens, c'est aussi un mouvement très, très états-unien qui doit se comprendre dans on va dire presque l'anthropologie états-unienne qui est foncièrement anti-étatique. Je pense que sans vouloir faire de l'essentialisme. Et je pense que les libertariens, justement, quand ils se sont détachés des conservateurs dans les années 60, c'était pour renouer avec la philosophie des pères fondateurs qui mettaient en avant la liberté individuelle comme valeur suprême. Et donc les libertariens se sont justement opposés à la droite sur cet aspect-là, sur la défense donc, des libertés, et sur l'aspect notamment lutte contre l'impérialisme, ce qui peut-être en cela fait dire que les libertariens peuvent être de gauche, c'est que les libertariens, justement, se sont opposés dès les années 60 et aux années 70 aux républicains sur la question de l'impérialisme, une fois, au nom de la liberté, pourquoi on irait... On irait au Vietnam pour aller... donc c'est en ça que c'est un mouvement qui est très particulier, parce que d'un côté il y a eu cette fusion effectivement entre les républicains plutôt droite conservateurs à une époque justement les années 60 où justement les jeunes générations parmi les conservateurs étaient un peu sentaient mal à l'aise dans le carcan des idées conservatrices où c'était l'époque de la contestation de la guerre du Vietnam et voilà quoi. Ça explique cette fusion. Peut-être justement pourrait-on survoler les différents courants du libertarianisme, si vous le voulez bien. Il y a quelques notions sur lesquelles on pourra appuyer plus que d'autres. Je me permets, tu voulais mettre en premier le minarchisme. Voilà, ça. Le minarchisme. Si tu permets que je prenne le point, l'idée c'est l'idée d'un état minimal en fait, c'est-à-dire que pour les libertariens, l'impôt est du vol, puisque en fait l'impôt c'est l'état, donc un élément extérieur qui décide ce que je dois faire de mon argent. Et du coup, il faut réduire au maximum. Et là, on retrouve par exemple des politiciens américains comme Ron Paul, qui milite beaucoup dans ce sens-là. Et donc, du coup, l'État doit être réduit au maximum. Et donc, on va rester sur des fonctions régaliennes comme la défense et comme la police. Une police qui sera très nécessaire puisque le droit de propriété devient sacré et absolu et doit être défendu par la société. Et donc, on se retrouve même à une extrémité où des services publics tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, à la fois en France et aux États-Unis, comme l'éducation ou même l'entretien des routes ou ce genre de choses, ne sont plus du tout de l'ordre de l'État. Et donc on en arrive à des routes privées, à des écoles privées partout, ce genre de concept. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Oui, en gros, on pourrait dire que l'État minimal des minarchistes, ça se résume à un compromis entre libéralisme et bien public, c'est-à-dire les notions de liberté individuelle et liberté d'entreprendre. Alors, et l'État, enfin les services d'État cohabitent. Il y a une sorte d'effet de balance, de contre-pouvoir entre chaque. Mais oui, voilà. Alors une figure de ce mouvement, c'est Robert Nozick, notamment par son ouvrage Anarchie, État, Utopie, qui est paru en 1974, je crois. Un autre courant, donc l'anarcho-capitalisme, alors qu'on appelle aussi capitalisme libertaire. Donc bon, évidemment, il est inspiré du libéralisme, ça va de soi. Mais là, justement, à la différence des minarchistes, l'État est illégitime et inutile. Et il s'oppose également, bien sûr, à tous les courants socialistes, fédéralistes, individualistes de l'anarchisme, parce que c'est pas parce qu'il y a le terme anarcho qu'il faut penser que ça a des liens avec l'anarchisme. Au contraire, d'ailleurs, les anarchistes considèrent que ce n'est pas un anarchisme en dépit du rejet de l'État, puisque l'anarcho-capitalisme ne partage pas avec l'anarchisme historique son souci de l'égalité économique et de la justice sociale. Alors, les anarcho-capitalistes font référence à l'ordre spontané. C'est un ordre social qui émerge spontanément, enfin, selon donc c'est un, comment je vais dire, un concept sociologique. Donc, c'est un ordre social qui émerge spontanément du comportement et des interactions des individus sans qu'aucune instance planificatrice ou créatrice n'ait structuré ou organisé cet ordre. Voilà, donc les principes en gros de l'anarcho-capitalisme. Chaque être humain est pleinement propriétaire de lui-même, donc on retrouve bien sûr les tendances libertariennes. Des fruits de son travail, de ce qu'il a obtenu par la coopération volontaire avec autrui, par échange ou par don. Ils assimilent donc toute violation de liberté à une violation du droit de propriété, et inversement. Et toute atteinte à la personne est à la et à la propriété perpétrée sans consentement constitue dès lors une agression. Et toute forme d'organisation coercitive est illégitime, y compris l'État, bien sûr, puisqu'ils n'en veulent plus, et ses multiples succédanés. Tout être humain, alors la notion de responsabilité individuelle, tout être humain est aussi responsable de ses actes, tenu par les engagements qu'il prend, et débiteur pour les torts qu'il a causés. On peut distinguer deux tendances dans l'anarcho-capitaliste. La tendance juste naturaliste, fondée sur le droit naturel, donc là on retrouve Murray Roberts, et la tendance utilitariste, représentée par David Friedman, entre autres, bien sûr. On trouve aussi alors des mouvements comme le paléo-libertarianisme ou libertarianisme conservateur ou de droite. Alors c'est pareil, elles associent bien sûr la liberté individuelle, les droits de propriété capitaliste, la répartition par le marché des ressources, les libertés publiques et l'état de droit et un renversement de l'état-providence actuel. Tout en y associant cette fois des valeurs conservatrices. Est-ce, c'est... que, Est-ce qu'on ne s'approche pas du coup des valeurs du Tea Party, si je ne dis pas de bêtises, pour donner une illustration? Oui, c'est un peu tout le à fait. Donald Trump et... Oui, exactement. D'ailleurs, pour diffuser leurs idées, c'est courant. Ils s'appuient sur un think tank, le Cato Institute. Et bien sûr, on y trouve parmi eux, enfin parmi les groupes politiques qui les représentent, le Tea Party, encore que le Tea Party, ce soit quand même peut-être plus hétéroclite qu'on peut le penser. Il y a aussi des gens avec des valeurs un peu différentes à l'intérieur. Hein, c'est tout, ça demanderait toute une étude. Voilà. Et ensuite, il y a aussi, ça va peut-être surprendre, un libertarianisme de gauche. Alors, évidemment, c'est un courant qui partage avec le courant libertarien classique, qu'on vient de voir d'ailleurs, des principes de liberté individuelle forts, mais la propriété privée n'est plus érigée en valeur absolue de la liberté. Le libre marché doit garantir la liberté de l'homme. Alors, ils prônent de ces faits plutôt une économie à petite échelle, non profitable directement aux individus possédant le plus de capital. Ils divergent également des libertariens qu'on appellera de droite par rapport au troisième principe, l'appropriation des ressources, considérant que tous les individus ont droit à une part égale des ressources naturelles. Et parfois en évoquant des raisons écologiques. Ouais, je pense qu'on développera un peu plus dans la critique du libertarianisme l'émergence de ce libertarianisme de gauche. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce principe de justice, si on peut dire, permet à certains libertariens de gauche de justifier la distribution d'un revenu de base inconditionnel à tous les individus, à titre de compensation pour l'inégale appropriation privée des ressources naturelles. De plus, certains théorisent depuis quelques années les bases d'un libre marché socialiste, fonctionnant différemment que la variante de droite libertarienne. Ce qui les rapproche d'ailleurs du marxisme analytique et du matérialisme historique. D'autres aussi préconise un libre marché coopérativiste avec l'abolition du salariat et l'instauration d'un entrepreneuriat volontariste non hiérarchisé. Toutefois, c'est un courant qui n'est pas compact. On y trouve notamment des mutualistes inspirés par Proudhon, des agoristes se réclamant de la contre-économie pacifiste, des géorgistes et égalitaristes qui sont en faveur d'une taxe foncière socialement redistributive, etc. Bien sûr, il est moins représenté que sa variante de droite, et surtout, il est très peu connu en Europe. Il y a toutefois quelques personnalités qu'on peut rattacher au libertarianisme de gauche. Alors, Jacques Dubois, c'est le concept d'économie distributive. Philippe Van Paris, qui est d'ailleurs aussi lui à l'origine de l'idée d'allocation universelle et du revenu de base. Amartya Sen, qui est prix Nobel d'économie en 1998, théorie du choix social, économie du bien-être, développement humain et participation à la commission Stiglitz sur la croissance et des nouveaux indicateurs de richesse en 2008. Et enfin John Rawls. Pour sa théorie de la justice. Voilà. Tu voulais parler du transhumanisme aussi ? Alors, le transhumanisme, alors là, on peut le voir comme un mouvement plus culturel, intellectuel, alors qui prône bien sûr l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques, mentales des êtres humains, de supprimer le vieillissement et la mort. Faut savoir quand même, globalement, ils se préoccupent aussi des avantages, mais aussi des dangers que peuvent présenter de telles évolutions. Bon, ils reposent bien sûr sur les projets sur les progrès des technologies NBIC. Tout ce qui est édition d'ADN, tu veux dire Nanotechnologie, biologie, informatique, sciences cognitives, intelligence artificielle, sciences du cerveau, etc. Alors, je pense qu'en exemple, à la pointe de ce sujet-là, il y a eu... j'ai plus le nom, mais c'est un docteur chinois qui avait édité l'ADN d'embryons et du coup qui sont nés avec une mutation qui, théoriquement, leur permettait d'être protégés du sida. Sachant que la réalité de cette protection était plus que questionnée. Et, qui avait utilisé le ciseau génétique CRISPR-Cas9, hein, qui est complètement interdit à l'utilisation sur les êtres humains, bien entendu. Tout à fait. Et donc ça, déjà, on peut donner ça comme une trace du transhumanisme, parce que c'est j'ai la liberté absolue de disposer d'un embryon, parce que c'est a priori, il y a une propriété qui est mise sur l'embryon, et donc du coup, je peux décider que mon enfant, ou l'enfant même d'une autre personne, dans le cas c'est carrément d'une autre personne, peut avoir un ADN modifié. Donc c'est un peu une des conséquences du transhumanisme. Tout à fait, oui. Alors, des aspects politiques. Alors, selon l'Association française transhumaniste, il est naturel, donc politiquement neutre, d'accompagner et d'encourager les innovations scientifiques et techniques propices à l'accroissement du potentiel physique et intellectuel de l'homme. Bien. Mais pour d'autres, le transhumanisme est loin d'être politiquement neutre. Par exemple, les exégètes de la pensée de Jacques Ellul y voient un prolongement direct du capitalisme et de l'idéologie productiviste. D'ailleurs, on peut souligner donc là une convergence des intérêts néolibéraux capitalistes et du libertarianisme. Oui. D'accord. Donc les représentants de l'Association Transhumanisme Mondial considéraient que les forces sociales constituaient un frein potentiel à leur projet futuriste. Donc en 1990, un code a été approuvé par les transhumanistes libertariens, qu'on appelle l'extropianisme, qui est une synthèse du transhumanisme et du néolibéralisme. En 2006, toutefois, après une lutte politique entre la droite libertarienne et la gauche libérale, au sein du mouvement transhumaniste lui-même, l'association transhumaniste mondiale a adopté une posture plus proche du centre-gauche, on va dire. Alors, pour revenir sur cette convergence d'intérêts, selon Sébastien Carré, donc dans un article de La route libertarienne de la servitude transhumaniste, c'est le titre de son article, le transhumanisme peut ne pas être libertarien, le libertarianisme peut ne pas être transhumanisme. En effet, le libertarisme ne justifie aucunement le transhumanisme, mais ne le proscrit pas. Et la concrétisation du transhumanisme pourrait même l'encourager. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le côté amoral des libertariens qui leur permet d'envisager, du coup, les manipulations qui mènent au transhumanisme comme étant une opportunité, en fait, tout simplement. Et c'est aussi cet optimisme sans faille en la technique, ce qu'on peut appeler le technoprogressisme, qui rejoint un peu... Mais qui n'est pas foncièrement libertarien, à la base. Toutefois, il faut quand même savoir que au début du transhumanisme... qui s'est développé donc dans les années 90, les penseurs ne faisaient pas mystère de leur penchant libertarien ou anarcho-capitaliste. L'exemple, les extropiens, là, justement, comme Max Mohr. Et le courant libertarien d'utopie libérale à tendance anarcho-capitaliste représente le courant politique majoritaire chez les transhumanismes. Un exemple, c'est Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal. Voilà. Et aussi, il faut savoir que le transhumanisme est largement subventionné par les GAFAM, et aussi, bien sûr, inféodé à l'idéologie libertarienne, si je puis dire. On a Jeff Bezos aussi, qui est un libertarien assumé qui parle un peu de ça. Je ne sais pas s'il est foncièrement transhumanisme, là j'ai non, pas d'infos, mais c'est pas impossible. Je n'ai entendu pas, je pense. Voilà, donc... C'était tout pour les différentes tendances ? Oui, en gros. Eh ben, très oui. Bien. Il y en a d'autres aussi, voilà. Mais on va pas. Enfin, je crois que j'ai résumé les principales, disons. C'est ça. Et ben, on va partir sur une pause musicale. On va faire écouter Liberté de Damien Saez. À la mémoire de ces millions de chômeurs, de génocidés, à celui qui trime l'horizon prisonnier de ce champ de blé, à la santé de ceux qui luttent à main nue contre l'homme armé, les chants des esclaves du pays, je crois qu'il est l'heure d'incendier. Pour nos gamins perdus, tu vois, dans les empires de cet avoir, s'il faut lutter contre leurs lois, si c'est le peuple contre pouvoir oligarchique pour protéger tous les notables et les bourgeois, non, ne t'en fais pas, mon pays, bientôt seront pendus les rois, si les martyrs sont les millions de gens nation après nation, violés par les gouvernement, violé par des applications aux décadences publicitaires pour engraisser la dictature qui vient saigner les populaires et puis leurs enfants, ça c'est sûr, si les médias sont leurs capots, alors faut brûler les médias, liberté sera le drapeau contre les juges, contre les lois, de toutes les pourritures, tu vois, dans les réseaux de la banquière, ce siècle sera le combat populaire contre financière. Liberté. Liberté. Puisque la République est morte, que l'autre pantin n'est président, ici que des chaînes de télé possédées par le dieu l'argent, puisqu'on élit que des larbins, des grands maîtres de l'accessoire, de ceux qui ne produisent rien, oui mais sont cotés des milliards, démocratie des libertés, fini fiché dans le computer, mais toi tu paies ton abonnement pour pouvoir cliquer ton Twitter, quand il est l'heure de l'incendiaire, enfin d'aller brûler la bourse, dis-moi dans tous les virtuels, t'as pas bien lu dans les grandes ours, si c'est le ciel de la révolte, de celle pour nourrir ton enfant, quand il faut sauver la récolte, alors comme un nouveau printemps, s'il faut brûler les officines des propagandes de la souffrance, puisque l'empire de la finance ne comprendra que la violence, un jour le sang sur les trottoirs sera celui des gouvernances, tristesse à dire mais les pouvoirs ne sont faits que pour la potence, et si leurs juges mettent en prison les révoltés de la nation, alors nous les libérerons quand viendra la révolution, soyons le point de ceux sans armes qui n'ont que le cœur de l'humain, de ceux-là qui n'ont que leurs larmes pour redessiner leur destin, soyons combattants du malin, des univers collaborants, soyons le ruisseau du chemin, soyons le cœur du résistant. Liberté. Liberté. Liberté. Liberté. Je crois qu'un nouveau jour se lève, révolution des nations, ce qu'on saura faire de nos rêves, un jour la grande rébellion, sur cette planète qui crève, si c'est l'heure de l'insurrection, puisque du peuple sera la sève, la plus belle huile de l'horizon, des infinis dans les poussières pour peindre des soleils levant, nos particules élémentaires en tourbillon dans l'ouragan, dessineront les hémisphères d'un nouveau monde à toi et moi, aux lumières de nos incendiaires, il faut brûler cet argent roi, de cette élite en barricade, l'heure est à la révolution, tu vois comme un printemps de Prague contre les chars de l'oppression, populaire contre milliardaire, si c'est le peuple contre l'argent, puisque civil est la guerre, résistant contre collaborant, mais s'il faut prendre les armes, s'il faut se battre pour la terre, faut jamais lâcher le combat quand c'est soi contre l'univers, il n'est pas d'armée qui ne puisse repousser le cœur de l'enfant, qui pour sa vérité se bat seul face aux hordes de l'argent, lui qui ne tient à bout de bras que le vent de sa liberté, qui n'a pour nul autre combat qu'à son frère solidarité, aux horizons ouvrant le ciel, au point levé du combattant, il n'est qu'un chemin éternel et c'est celui du résistant, seul face aux assassins du monde, si c'est le chant des partisans, cœur serré, point levé mon frère, tu verras, viendra le printemps, face aux galaxies torsionnaires, nous serons les incandescents, nous resterons toujours les frères et sœurs du peuple indépendant, quelle que soit la meute des chiens qui lâcheront contre ceux-là, qui n'ont de vertu que le libre, de combattre contre les rois, seuls à la proue des libertés du navire de l'indépendance, ne toucheront l'éternité que les fils de la résistance, quels que soient les marchands du temps pour lapider des révoltés, ou quelles que soient les gouvernances qui aiment bien matraquer l'ouvrier, et puisque les lois de l'empire du mal sont les génocidaires de ces millions d'âmes aux abois à combattre le tortionnaire, pognon qui crucifie les âmes autant qu'il fait saigner la terre, vois-tu demain naître la flamme de l'obscurité, la lumière des yeux de ce peuple soudain, uni par la fraternité qui fera du mot liberté un jour la solidarité. Liberté. Liberté. Et nous sommes de retour. Pardon. On va se concentrer sur cette partie plutôt sur les critiques et les limites du libertarianisme. Alors, faut quand même situer que c'est une idéologie politique qui a des courants qui sont très divers. Il y a une partie des critiques que je vais faire ici qui ont leur réponse à la fois dans les différentes tendances qu'on a citées avant, mais voilà, il y a certains penseurs qui trouvent des solutions pour créer un libertarianisme, une variante de libertarianisme qui répond à certaines des limites, à certaines des critiques. Quand on parle de Ron Paul, le politique américain qui défend le libertarianisme au sein du Parti républicain aux États-Unis, il y avait aussi un petit scandale avec son fils où on reparlait à son fils du Civil Arkwright. Donc c'est la loi qui est passée après le combat pour le droit des Noirs américains, qui interdisait notamment la ségrégation et du coup qui interdisait à la fois les lieux publics et privés de refuser des personnes de couleur en leur sein. Et en fait, le problème, là où on peut faire une critique du libertarianisme, c'est que pour les libertariens, il n'y a pas de raison de imposer à une personne qui possède un lieu privé quelques règles que ce soit. Et donc du coup, si je suis propriétaire de mon magasin et que je veux que mon magasin soit réservé aux femmes à barbe, c'est complètement stupide, d'un point de vue économique ça ne marche pas, mais techniquement, selon la logique des libertariens, comme ce magasin m'appartient, je peux établir les règles que je veux à l'intérieur, c'est ma propriété, et donc du coup je peux créer de la discrimination. Et donc il y a une incapacité dans le logiciel des libertariens à combattre le racisme, du moins sur dans l'espace privé qui était très présent aux États-Unis, et ça a créé aussi un décalage entre l'émergence du libertarianisme ou sa mutation dans les années 60-70, qui rendait par certains côtés incompatible avec le combat contre la ségrégation aux États-Unis. Oui, c'est d'ailleurs ce qui permet de souligner d'ailleurs un paradoxe, presque une schizophrénie à l'intérieur de ce mouvement, c'est que le libertarien, en général, le plus souvent un anticommunautaire, c'est-à-dire qu'il considère que les particularités physiques d'un individu, telles que couleur de peau, sexe, conviction morale, même religieuse, ne doivent en aucun cas ni le priver de ses droits naturels, ni de servir de prétexte pour le d'un autre côté aussi, ni de servir de prétexte pour le déresponsabiliser. Il y a vraiment des tendances, c'est vraiment paradoxal, quoi. Il y a une expérience de pensée qui est assez intéressante, qui est sur les abus de la propriété. Donc c'est un philosophe qui s'appelle Van Parge, qui est néerlandais, qui a pris une expérience de pensée où en fait on imagine qu'il existe une île avec des habitants dessus, et au fur et à mesure du temps, il y a une personne de l'île qui possède l'intégralité de l'île. Et donc il m'imagine en rachetant petit à petit, la personne finit par posséder l'île entière. Sauf que comme l'île entière est sa propriété, elle décide de ce qui se passe dans sa propriété. Et donc du coup, si elle veut dire qu'une personne de l'île doit être exilée parce que je l'aime plus et je ne veux plus qu'il soit sur mon territoire, il a un espèce de pouvoir absolu. Oui, et donc du coup, en fait, on va vers vers un rétablissement du pouvoir, d'une ségrégation ou d'une personne qui peut devenir dictateur et imposer ses règles, ce qui est complètement à l'encontre de l'idéologie libertarienne. Mais c'est cet absolu du droit de propriété qui permet de revenir en fait à ses travers. Oui, tout à fait. C'est comme une tautologie un peu, ça les renvoie à... ça tourne en... Oui, en fait, c'est une... On combine l'incapacité de lutter contre la concentration de la propriété au fait de vouloir une liberté totale. Mais en fait, ça se... Pardon, comme tu dis, on revient à la source, c'est que si j'ai la liberté totale, mais que je ne peux pas contrarier la possession d'autrui, à un moment, il est possible que les deux rentrent en conflit. Mais si c'est en cela que je pense que les libertariens sont complètement utopistes, et d'ailleurs, on n'a pas parlé d'Ayn Rand, mais on pourrait parler de cette figure qui est très connue aux États-Unis, moins connue en France. Je pense que vers la fin de sa vie, elle a pris conscience que finalement, ce modèle, encore une fois, très, très utopique, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de... contrairement à ce que dit Margaret Thatcher, la société existe et que les individus sont obligés d'avoir, d'avoir des institutions. Je pense que Ayn Rand, elle a pris conscience qu'elle ne pouvait pas vivre son utopie, d'où effectivement peut-être le fait qu'elle est tombée dans une forme de dépression. Et petite anecdote, à la fin de sa vie, elle a dû utiliser les aides sociales pour satisfaire au fait qu'elle avait manifestement une maladie et que donc elle ne pouvait pas, par ses seuls subsides, parer aux frais engendrés par cette maladie. Donc c'est effectivement, je pense que la vie même d'Ayn Rand effectivement illustre parfaitement ce caractère complètement utopiste. Et par exemple, si on il y a Hayek par exemple qui évoque ça dans son bouquin où il dit la liberté est tellement, enfin on pourrait si par exemple la liberté est tellement suprême, qui peut m'interdire, par exemple, d'ouvrir un cabinet de médecin, de dentiste, de sage-femme, alors que j'ai absolument aucune compétence, parce qu'il n'y a aucune autorisation administrative préalable qui peut déterminer si j'ai le droit ou non d'ouvrir. C'est en ça qu'on voit que c'est complètement absurde. Et dans son bouquin « Libre de choisir », Milton Friedman dit « N'importe qui pourrait fabriquer et vendre au public des médicaments, la nourriture, des jouets et des vêtements pour enfants, sans qu'il ait été auparavant soumis à des tests obligatoires déterminés par la loi. Si le critère de maximum de liberté était appliqué, il n'existerait pas donc de salaire minimum, ça c'est ce que dit Friedman. Et par ailleurs, là aussi Friedman théorise cette idée-là, c'est que les salariés peuvent cotiser ou non à l'assurance maladie. C'est leur choix, et donc on voit bien que c'est une utopie, c'est une lubie en quelque sorte complètement... Oui, l'histoire sans doute jamais. Ça, c'est... Mais le problème, c'est que tu laisses le libre choix aux gens. En même temps, l'assurance maladie n'aura certainement que peu de moyens pour justement assurer. Oui, pensez court-termiste, pensez long-terme, en fait. C'est un peu l'une des caractéristiques de l'assurance maladie. Je voulais revenir rapidement sur les... Parce qu'on va devoir passer aux activités d'attaque, donc je vais faire très court. Sur le libertarianisme de gauche, en fait, dans les différents patchs, on va dire, dans les petits pansements qui ont été mis sur le libertarianisme pour pallier à certains problèmes, il y avait la notion de premier arrivé, premier servi, si dans une région, je m'approprie le parcelle de terre où il y a une source d'eau et que je suis propriétaire de la source d'eau, je peux décider de qui accède à l'eau dans la région, et donc du coup ça me donne un pouvoir immense. Pour compenser ça, Nozick, qui est un des penseurs des années 70 américains du libertarianisme, s'était inspiré de Locke pour écrire que l'appropriation n'est légitime que si personne n'est lésé. Donc en fait, il y a une notion de dire certaines appropriations créer des états de fait de dépendance des personnes entre elles, et donc elles ne sont pas enviables, et donc du coup il faut trouver un système pour le compenser. Donc par exemple, avec l'exemple de la source d'eau, si je m'approprie la source d'eau, il faut que je sois juste dans une répartition des personnes qui vivent dans ma région pour quand même leur permettre un accès à l'eau, et je ne peux pas dire à n'importe qui tu n'as pas accès à l'eau parce que l'eau m'appartient et je l'ai décidé. Et donc là en fait on glisse doucement vers le libertarianisme de gauche, puisque en fait qui va décider de dire si telle ou telle ressource doit être répartie et comment elle doit être répartie. En fait là on quitte l'état minimal, puisque en fait l'état revient, il faut une organisation qui est au-dessus de moi et qui puisse dire ben écoutez, là vous possédez des ressources de charbon, des ressources d'eau, des ressources de terres agricoles qui sont très importantes, et vous lésez la population parce que vous êtes capable de donner le prix de la nourriture parce que je possède tous les champs, le prix de l'eau parce que je possède toute la plus grande source d'eau de la région, et du coup on glisse vers une répartition en disant d'accord, votre propriété vous donne le droit à ce terrain qui possède la source d'eau, mais on a une organisation locale, a priori, on recroise le côté local du libertarianisme de gauche, qui va vous imposer le fait de donner de l'eau à chaque personne à hauteur de ce que la personne a besoin. Et donc du coup, voilà, je trouvais ça assez intéressant de voir qu'en fait, il y a des limites du libertarianisme qui donnent lieu en fait, directement au libertarianisme de gauche, et qui peuvent rebasculer très facilement sur des problématiques qui disent en fait, on a fait disparaître l'État et on le refait rentrer par ailleurs, parce qu'en fait, on n'a pas le choix, sinon on est dans des monopoles ou on est dans des situations où une personne a un pouvoir absolu juste grâce à sa propriété. Mais ça pourrait être limité aussi par le droit, en fait. Oui, mais le droit, évidemment, il faut le droit, quelqu'un le pour droit, le l'état. Faire appliquer. Voilà. Oui. Du coup, je pense qu'on peut passer au calendrier militant. Enfin, au l'agenda d'attaque. Oui. Oui, donc, ben voilà, il y a quelques nouvelles au sujet des activités d'attaque. Alors déjà au plan national, Attaque déploie une banderole géante dénonçant les profiteurs de la crise sur le siège de LVMH. Alors c'était à Paris le samedi 3 juillet, une trentaine d'activistes d'attaque ont déployé une banderole géante sur le siège de LVMH, où l'on pouvait lire « Le gang des profiteurs faisons payer les profiteurs de la crise ». L'objectif était de dénoncer l'enrichissement indécent des milliardaires pendant la crise sanitaire avec la complicité du gouvernement, particulièrement celui de Bernard Arnault, troisième fortune mondiale. D'autres activistes ont projeté de la gouache noire sur les vitrines de la Samaritaine et ont déployé des banderoles à l'effigie du milliardaire. Oui, c'était à la Samaritaine, je le rappelle. Du coup, on a le communiqué d'attaque qui date du 5 juillet suite à cette action. LVMH veut nous poursuivre, Le Figaro veut nous dissoudre. En pointant le gang des profiteurs, nous avons mis en lumière l'indécent enrichissement des ultra-riches. Cette action a déclenché un déchaînement de rédaction indigné de la part de certaines responsables politiques ou médiatiques qui semblent plus s'émouvoir du sort d'une vitrine recouverte de gouache lavée quelques heures après que des conséquences catastrophiques de la crise sanitaire pour les plus précaires. Bon, j'aime bien la formule, hommage aux familles des vitrines. Les médias propriétés des milliardaires comme CNews, Le Parisien ou Le Figaro s'émeuvent et vont jusqu'à débattre notre dissolution. À l'heure actuelle, nous attendons des éventuelles poursuites du groupe LVMH qui a déclaré à l'AFP qu'il a envisagé de porter plainte. Je me permets d'ajouter qu'il y a un très bon article sur le site d'Acrimed qui a traité de cet emballement médiatique envers Attaque. Oui. Et donc la réponse d'Attaque le 9 juillet. Enfin, oui. Bernard Arnault répond à l'action d'Attaque France à la Samaritaine en multipliant mensonges et omissions. 6 jours après l'action d'Attaque France, donc le patron de LVMH et première fortune française donne une interview à La Voix du Nord dans laquelle il réagit en multipliant, bien sûr, mensonges et omissions. Tout d'abord, Bernard Arnault qualifie l'action d'Attaque France d'actes de vandalisme. Nous lui rappelons que nous n'avons rien détruit mais simplement mis un peu de gouache sur les vitrines de la Samaritaine. Oui. Il prétend aussi que l'opinion publique dans sa très grande majorité a désapprouvé cet acte. Cette estimation n'est pas sourcée. En revanche, 2 sondages publiés ce jeudi montrent un large soutien de l'opinion aux revendications portées par Attaque France lors de cette action. Par ailleurs, Bernard Arnault nie nos accusations d'optimisation et d'évasion fiscale. Bernard Arnault prétend également que LVMH est l'un des groupes qui crée le plus d'emplois en France. Pourtant, il a diminué ses effectifs mondiaux de 7,8% en 2020, dont 888 emplois en France. Bernard Arnault ne dit pas un mot sur l'enrichissement des milliardaires français pendant la pandémie. C'est pourtant d'actualité. Ce jeudi, Challenge publiait son classement annuel des 500 plus grandes fortunes françaises. Non seulement Bernard Arnault reste en tête avec une fortune estimée à plus de 157 milliards d'euros, mais sa fortune a augmenté de 57% par rapport à juin 2020. Or, c'était bien l'objectif de l'action menée par Attaque que de mettre en lumière cet enrichissement indécent et de demander au gouvernement de taxer les profiteurs de la crise au lieu de faire des économies sur le dos des allocataires, des APL, des chômeurs et demain des retraités. On passe très rapidement. L'Université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité se déroulera du 24 au 28 août à l'école d'architecture de Nantes. Il y aura des ateliers, des modules et des forums. 150 activités et 400 associations participantes. Je te laisse René pour conclure sur le plan local très rapidement. Alors, au plan local, c'est la relance du collectif Plus Jamais Ça. Pour rappel, à l'automne 2020, un premier collectif Plus Jamais Ça a tenté de se mettre en place sur l'île. Mais le deuxième confinement avait stoppé ce projet. Toutefois, de belles réussites obtenues par plusieurs collectifs, comme la coopérative des masques en Côte d'Armor, la lutte victorieuse pour sauver l'activité et l'emploi à la raffinerie Total de Grandpuy, le combat pour le maintien de la papeterie de la chapelle d'Arblay, nous ont incités à relancer ce collectif. Donc, nous avons tenu une première réunion le 12 juillet. Mais ce sera tout. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne journée. Oui, bonne journée.